Alfred de Musset, La nuit d'octobre. Livre audio gratuit, enregistré par Églantine pour audiocité.net. Le poète et la muse. Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'avec la rosée on voit s'évanouir. Qu'aviez-vous donc, ô mon poète, et quelle est la peine secrète qui, de moi, vous a séparé? Hélas, je m'en ressens encore. Quel est donc ce mal que j'ignore et dont j'ai si longtemps pleuré? C'était un mal vulgaire et bien connu des hommes. Mais lorsque nous avons quelque ennui dans le cœur, nous nous imaginons, pauvres fous que nous sommes, que personne avant nous n'a senti la douleur. Il n'est de vulgaire chagrin que celui d'une âme vulgaire. Ami, que ce triste mystère s'échappe aujourd'hui de ton sein. Crois-moi, parle avec confiance. Le sévère Dieu du silence est un des frères de la mort. En se plaignant, on se console, et quelquefois une parole nous a délivrés d'un remords. S'il fallait maintenant parler de ma souffrance, je ne sais trop quel nom elle devrait porter. Si c'est amour, folie, orgueil, expérience, ni si personne au monde en pourrait profiter. Je veux bien toutefois t'en raconter l'histoire. Puisque nous voilà seuls assis près du foyer, prends cette lyre, approche, et laisse ma mémoire au son de tes accords doucement s'éveiller. Avant de me dire ta peine, ô poète, en es-tu guéri? Songe qu'il t'en faut aujourd'hui parler sans amour et sans haine. S'il te souvient que j'ai reçu le doux nom de consolatrice, ne fais pas de moi la complice des passions qui t'ont perdue. Je suis si bien guéri de cette maladie que j'en doute parfois lorsque j'y veux songer. Et quand je pense au lieu où j'ai risqué ma vie, j'y crois voir à ma place un visage étranger. Muse, sois donc sans crainte. Au souffle qui t'inspire, nous pouvons sans péril tous deux nous confier. Il est doux de pleurer. Il est doux de sourire au souvenir des mots qu'on pourrait oublier. Comme une mère vigilante au berceau d'un fils bien-aimé, ainsi je me penche, tremblante, sur ce cœur qui m'était fermé. Parle, ami, ma lyre attentive, d'une note faible et plaintive, suit déjà l'accent de ta voix. Et dans un rayon de lumière, comme une vision légère, passent les ombres d'autrefois. Jour de travail, seul jour où j'ai vécu. Ô trois fois chère solitude, Dieu soit loué, j'y suis donc revenu à ce vieux cabinet d'études. Pauvre réduit, mur tant de fois désert, fauteuil poudreux, lampe fidèle, ô mon palais, mon petit univers. Et toi, muse, ô jeune immortel, Dieu soit loué, nous allons donc chanter. Oui, je veux vous ouvrir mon âme, vous saurez tout, et je vais vous conter le mal que peut faire une femme, car c'en est une, ô mes pauvres amis. Hélas, vous le saviez peut-être. C'est une femme à qui je fus soumis comme le cerf l'est à son maître. Joue détestée, c'est par là que mon cœur perdit sa force et sa jeunesse. Et cependant, auprès de ma maîtresse, j'avais entrevu le bonheur. Près du ruisseau, quand nous marchions ensemble, le soir sur le sable argentin, quand devant nous le blanc spectre du tremble de loin nous montrait le chemin, je vois encore, au rayon de la lune, ce beau corps plié dans mes bras. N'en parlons plus. Je ne prévoyais pas où me conduirait la fortune. Sans doute alors la colère des dieux avait besoin d'une victime, car elle m'a puni comme d'un crime d'avoir essayé d'être heureux. L'image d'un doux souvenir vient de s'offrir à ta pensée. Sur la trace qu'il a laissée, pourquoi crains-tu de revenir? Est-ce faire un récit fidèle que de renier ses beaux jours? Si ta fortune fut cruelle, jeune homme, fais du moins comme elle. Souris à tes premiers amours. Non, c'est de mes malheurs que je prétends sourire. Muse, je te l'ai dit, je veux sans passion te conter mes ennuis, mes rêves, mon délire, et t'en dire le temps, l'heure et l'occasion. C'était, il m'en souvient, par une nuit d'automne, triste et froide, à peu près semblable à celle-ci. Le murmure du vent, de son bruit monotone, dans mon cerveau lassé, berçait mon noir souci. J'étais à la fenêtre, attendant ma maîtresse, et tout en écoutant dans cette obscurité, je me sentais dans l'âme une telle détresse qu'il me vint le soupçon d'une infidélité. La rue où je logeais était sombre et déserte. Quelques ombres passaient, un falot à la main. Quand la bise sifflait dans la porte entr'ouverte, on entendait de loin comme un soupir humain. Je ne sais, à vrai dire, à quel fâcheux présage mon esprit inquiet alors s'abandonna. Je rappelais en vain un reste de courage et me sentis frémir lorsque l'heure sonna. Elle ne venait pas. Seul, la tête baissée, je regardais longtemps les murs et le chemin. Et je ne t'ai pas dit quelle ardeur insensée cette inconstante femme allumait en mon sein. Je n'aimais qu'elle au monde, et vivre un jour sans elle me semblait un destin plus affreux que la mort. Je me souviens pourtant qu'en cette nuit cruelle, pour briser mon lien, je fis un long effort. Je la nommai 100 fois perfide et déloyale. Je comptai tous les maux qu'elle m'avait causés. Hélas, au souvenir de sa beauté fatale, quels maux et quels chagrins n'étaient pas apaisés. Le jour parut enfin. Là, d'une vaine attente, sur le bord du balcon, je m'étais assoupi. Je rouvris la paupière à l'aurore naissante et je laissai flotter mon regard ébloui. Tout à coup, au détour de l'étroite ruelle, j'entends sur le gravier marcher à petit bruit. Grand Dieu, préservez-moi! Je l'aperçois, c'est elle! Elle entre! D'où viens-tu? Qu'as-tu fait cette nuit? Réponds, que me veux-tu? Qui t'amène à cette heure? Ce beau corps jusqu'au jour, où s'est-il étendu? Tandis qu'à ce balcon, seul, je veille et je pleure, en quel lieu, dans quel lit, à qui souriais-tu? Perfide, audacieuse, est-il encore possible que tu viennes offrir ta bouche à mes baisers? Que demandes-tu donc? Par quelle soif horrible oses-tu m'attirer dans tes bras épuisés? Va-t'en, retire-toi, spectre de ma maîtresse! Rentre dans ton tombeau si tu t'en es levé. Laisse-moi pour toujours oublier ma jeunesse, et quand je pense à toi, croire que j'ai rêvé. Apaise-toi, je t'en conjure, tes paroles m'ont fait frémir. Ô mon bien-aimé, ta blessure est encore prête à se rouvrir. Hélas, elle est donc bien profonde, et les misères de ce monde sont si lentes à s'effacer. Oublie, enfant, et de ton âme chasse le nom de cette femme que je ne veux pas prononcer. Honte à toi qui la première m'as appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. C'est ta voix, c'est ton sourire, c'est ton regard corrupteur qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer, et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Honte à toi, j'étais encore aussi simple qu'un enfant, comme une fleur à l'aurore, mon cœur s'ouvrait en t'aimant. Certes, ce cœur sans défense put sans peine être abusé, mais lui laisser l'innocence était encore plus aisé. Honte à toi, tu fus la mère de mes premières douleurs, et tu fis de ma paupière jaillir la source des pleurs. Elle coule, sois-en sûre, et rien ne la tarira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Mais dans cette source amère, du moins je me laverai, et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré. Poète, c'est assez. Auprès d'une infidèle, quand ton illusion n'aurait duré qu'un jour, n'outrage pas ce jour lorsque tu parles d'elle. Si tu veux être aimé, respecte ton amour. Si l'effort est trop grand pour la faiblesse humaine de pardonner les maux qui nous viennent d'autrui, épargne-toi du moins le tourment de la haine. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Les morts dorment en paix dans le sein de la terre. Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Sur le reste sacré, ne portons pas les mains. Pourquoi, dans ce récit d'une vive souffrance, ne veux-tu voir qu'un rêve et qu'un amour trompé? Est-ce donc sans motif qu'agit la Providence? Et crois-tu donc distrait le Dieu qui t'a frappé? Le coup dont tu te plains t'a préservé peut-être, enfant, car c'est par là que ton cœur s'est ouvert. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême, et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. Les moissons pour mûrir ont besoin de rosée, pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs. La joie a pour symbole une plante brisée, humide encore de pluie et couverte de fleurs. Ne te disais-tu pas guéri de ta folie? N'es-tu pas jeune, heureux, partout le bienvenu? Et ces plaisirs légers qui font aimer la vie, si tu n'avais pleuré, quelle case en ferais-tu? Lorsqu'au déclin du jour, assis sur la bruyère, avec un vieil ami tu bois en liberté, dis-moi, d'aussi bon cœur lèverais-tu ton verre si tu n'avais senti le prix de la gaieté? Aimerais-tu les fleurs, les prés et la verdure, les sonnets de Pétrarque et le chant des oiseaux, Michel-Ange et les arts, Shakespeare et la nature, si tu n'y retrouvais quelques anciens sanglots? Comprendrais-tu des cieux l'ineffable harmonie, le silence des nuits, le murmure des flots, si quelque part là-bas la fièvre et l'insomnie ne t'avaient fait songer à l'éternel repos? N'as-tu pas maintenant une belle maîtresse? Et lorsqu'en t'endormant tu lui serres la main, le lointain souvenir des mots de ta jeunesse ne rend-il pas plus doux son sourire divin? N'allez-vous pas aussi vous promener ensemble au fond des bois fleuris, sur le sable argentin? Et dans ce vert palais, le blanc spectre du tremble ne sait-il plus le soir vous montrer le chemin? Ne vois-tu pas alors aux rayons de la lune, plié comme autrefois un beau corps dans tes bras? Et si dans le sentier tu trouvais la fortune, derrière elle, en chantant, ne marcherais-tu pas? De quoi te plains-tu donc? L'immortelle espérance s'est retrempée en toi sous la main du malheur. Pourquoi veux-tu haïr ta jeune expérience et détester un mal qui t'a rendu meilleur? Ô mon enfant, plains-la cette belle infidèle qui fit couler jadis les larmes de tes yeux. Plains-la, c'est une femme, et Dieu t'a fait près d'elle deviner en souffrant le secret des heureux. Sa tâche fut pénible, elle t'aimait peut-être, mais le destin voulait qu'elle brisât ton cœur. Elle savait la vie et te l'a fait connaître. Une autre a recueilli le fruit de ta douleur. Plein là, son triste amour a passé comme un songe. Elle a vu ta blessure et n'a pu la fermer. Dans ses larmes, crois-moi, tout n'était pas mensonge. Quand tout l'aurait été, plein là, tu sais aimer. Tu dis vrai, la haine est impie, et c'est un frisson plein d'horreur quand cette vipère assoupie se déroule dans notre cœur. Écoute-moi donc, ô déesse, et sois témoin de mon serment. Par les yeux bleus de ma maîtresse et par l'azur du firmament, par cette étincelle brillante qui de Vénus porte le nom et comme une perle tremblante scintille au loin sur l'horizon, par la grandeur de la nature, par la bonté du Créateur, par la clarté tranquille et pure de l'astre cher aux voyageurs, par les herbes de la prairie, par les forêts, par les prés verts, par la puissance de la vie, par la sève de l'univers, je te bannis de ma mémoire, reste d'un amour insensé, mystérieuse et sombre histoire qui dormira dans le passé. Et toi qui, jadis, d'une amie porta la forme et le doux nom, l'instant suprême où je t'oublie doit être celui du pardon. Pardonnons-nous, je romps le charme qui nous unissait devant Dieu. Avec une dernière larme, reçois un éternel adieu. Et maintenant, blonde rêveuse, maintenant muse à nos amours, dis-moi quelques chansons joyeuses comme au premier temps des beaux jours. Déjà la pelouse embaumée sent les approches du matin. Viens éveiller ma bien-aimée et cueillir les fleurs du jardin. Viens voir la nature immortelle sortir des voiles du sommeil. Nous allons renaître avec elle au premier rayon du soleil.